rap depuis que je suis mineur. Et ça pète à appeler des mineurs. Tu pousses la fonte et tu joues le vilain. Mais tu perds ton frein quand t'entends le bruit du chargeur. Les couilles sont chargées comme ton trou de balle aussi. Y'a de la frappe dans le bras droit un peu comme Agassi. Casque intégral, beau mal aussi. Tu vas te faire fumer comme ce jeune abruti. Jeune abruti, t'as trois poils aux couilles, non t'as rien d'abouti. Tu racontes la dénonce, tu n'as pas d'outils. Fais des choses utiles et ta mère mon gamin. Respecte ton père car sa mort n'est pas loin. Le temps passe vite et même si tu vois loin, on peut pas savoir ce que nous réserve demain. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Grand appétit pour la pâte du gain. Grand appétit pour la pâte du gain. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. L'oiseau fait son nid. CVD, THG dans mon filon. Ton silence frérot en dilon. Peu rapace sur c'est le bon filon. Des olivettes dans ton filon. Filon, filon, vite, pilon, pilon, shit. Ma bite au fond de sac d'or. Jette pute vomi comme une boulimique, bitch. La street, la vraie, n'est qu'une atrocité. J'aurais du blé, j'aurais tellement d'idées. Pourquoi te comparer si t'as rien à prouver? Y'a tes couilles qui poussent que quand t'es bien bourré. J't'ai vu crier mail d'appeler les poulets. Tu vas payer quitte à faire le mulet. Dans le portefeuille le pochon, moi j'quitte la moula. Grosse latte de billets verts sur mes moulettes. Sur mes moulettes. Grosse latte de billets verts sur mes moulettes. Sur mes moulettes. Sur mes moulettes. Grosse latte de billets verts sur mes moulettes. Bitch. Mais devrait le véridique. T'EZ. LOS Gringos. Sour beats on the